les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone, comme d'habitude, et Jean-Philippe Boisbriand est là, lui aussi, à la console, au choix musical et toutes ces choses. Aujourd'hui, une émission qui s'en va dans le registre un peu exotica, easy listening, même presque musac, parfois, avec des petits trucs autres quand même, mais vous allez voir, ça frappe fort. Oui, actuellement, nous avons peut-être la liaison avec Michel Kem qui se trouve en Amazonie. Allô, au Brésil. Allô, vous m'entendez, Jean-Michel? Il est au fin fond de la forêt avec la tribu des Zombilés, mais nous avons quelques problèmes de liaison. Oui, allô. Allô, Patrick. Oui, je m'en sois très très mal. Oui, je suis actuellement avec la tribu des Zombilés, donc au fin fond de l'Amazonie, dans la région du Pachantecos. Et cette tribu que nous avions rencontrée l'année dernière, nous sommes revenus pour la grande cérémonie sacrificielle. Alors, tous les membres de la tribu sont accoutrés de façon tout à fait étrange, avec beaucoup de plumes. Et là, oui, j'aperçois, donc ils sont autour d'une sorte d'autel, ils se préparent au sacrifice. Et là, ils sont en train de danser. Ah, j'aurais pas dû parler si fort, ils m'apportent une sorte de décoction de couleur verdâtre, ils me font signe de la boire. Oh. Ah, c'est tout à fait un goût tout à fait fort, très typique. C'est à base de peyote. Oh. Dans un dialecte. Je crois reconnaître du Kachikwel ou une sorte de Maya Bonzirum. C'est très étrange. Ils sont armés de coupe-coupe et ils lèvent leurs bras vers le ciel. Ils pointent leur coupe-coupe vers moi. Allez, touche pas au micro. Arrêtez, lâchez-moi. Ils sont en train d'essayer d'attacher une porte vers l'hôtel. Allô? Oui, un petit problème de liaison. Nous avons eu un petit problème de liaison avec Michel Kemp. En attendant, je vous laisse tout de suite avec l'émission d'Anne-Marie Goudumont, Souci en France. Rendez-vous lundi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée avec Anne-Marie Goudumont après cette petite interlude. Merci, bonsoir. Oh, Ben, ça commençait comme ça, avec de la musique qui parfois était proche du easy listening et parfois un petit peu plus étrange. Voilà, ça commençait avec Ferrante et Thatcher qui nous faisait Out of Nowhere sur Heavenly Sounds in Hi-Fi de 1957. Deux pianistes qui ont fait autant du léger que des trucs avec un piano préparé, beaucoup plus expérimental, ça, et ils servent souvent au fond sonore. En fait, c'est un peu une émission de fond sonore en partie aujourd'hui. You Stepped Out of a Dream, c'était Marty Manning qui nous faisait ce truc tiré de The Twilight Zone de 1961. Une autre personne qui a travaillé avec beaucoup de monde et qui, entre autres, a fait des arrangements pour Tony Bennett sur une pièce assez peu connue, I Left My Heart in San Francisco. Mais Jean-Philippe connaît pas, il a jamais entendu. Il a travaillé avec plein de monde, dont Perry Como aussi. Et comment il s'appelait? Est-ce que c'est lui qui a travaillé avec Robert Goulet? C'est ça qu'on dit, Robert Goulet. Je vais rechercher ce nom. Les Baxter nous faisait Pyramid of the Sun sur The Sacred Idol de 1960. Les Baxter, allez voir sa discographie. Il y a un tout petit peu de stock. C'est un type qui est né en 22, qui est mort en 96. Puis qui, justement, c'est un des grands noms de l'exotica, où est-ce qu'on a ajouter un côté tiki à la musique orchestrale. On pouvait même faire du tiki à très grand orchestre parfois. Alors, il s'est lancé dans ce style. Java nous faisait Sacrifice chez les Zombies sur Safari Croisière. Alors, le groupe, évidemment, de rap musette français. On est passé ensuite à Don Tracy qui nous faisait Ritual Core Dance sur A Night with the Voodoo Family de 1965. Pas facile de trouver beaucoup d'informations sur Don Tracy. Jean-Philippe a ce disque-là depuis longtemps. Voilà. Ritual of the Human Sacrifice, c'était Elizabeth Waldo and her Concert Orchestra, The Rites of the Pagan Mystic Realm of the Ancient Americas, 1960. Elle, elle a étudié le violon, mais elle s'est intéressée à la musique de partout dans le monde par la suite. Oui, et c'est, comme me dit Jean-Philippe, une ethnomusicologue. Et beaucoup de choses amusantes, c'est ça. On change d'époque souvent avec elle, parce qu'elle est encore vivante. Elle a 100 ans, puis elle devrait avoir 101 cet été, en juin. Michel Magne et son grand orchestre nous faisaient Sahara sur Tropical Fantasy de 1962. Alors, Michel Magne, c'est tellement de pièces, tellement de musique, de films, de fantomas, d'un singe en hiver, etc., etc. Je pense qu'on se rend jusqu'à Emmanuel IV. peut-être, oui. Est-ce que c'est son dernier truc que je vois? Enfin, il y a Emmanuel IV en 1984. C'est, alors, plein de choses. Martin Denis nous faisait American in Bali sur l'album Hypnotique de 1959. Lui aussi, c'est de la longue carrière dans le style exotica, qui l'a amené d'ailleurs à mourir à Honolulu. Voilà. Et on a terminé avec Dick Hyman et Marie Maillot, qui était sa femme à l'époque, il me semble, si ma mémoire est bonne, qui faisait Moon Gas sur l'album Moon Gas. Alors, un pianiste qui lui aussi a composé un tas de trucs, puis qui a joué autant du jazz très sérieux, du ragtime, du jazz moderne, plein de trucs, puis plein de bandes originales de films de Woody Allen. Et qui est toujours vivant, lui aussi, qui est né en 27, qui a eu 92 ans, le 8 mars. Voilà, joue du piano, conserve. Puis ensuite, on s'en va du côté de Jean-Jacques Perré, Mike Melvoin et toutes sortes de choses. We'll be right back. and walking down the street. Got no clothes and nothing to eat. Saw a sign, convenient and sad. Enter hungry, go well fed. Went inside, boy, I swear, there was gastronomic modification everywhere. Saturn booth, tails behind, got everything that stood for a night or crawled or flied or reeled or died. Hamburgers, cheeseburgers, pagan pie, corn fritters, baby sitters, eastern fry, dill pickles, kill pickles, onion soup, table legs, hard-boiled eggs, boop-boop-a-doo. Creatures, creatures, cock with wine and rice bowls, old souls and turpentine. Gastronomic planification, go and fill yourself with that edification. Stuff it in, shove it in, eat it all, boy, now flip it in, dip it in, eat and enjoy. Now. Search for the Wazard of Ins, away from Upset Strip, past Surf City and the land of muscle and tan. Everybody has sunburned teeth from smiling at each other so much. Changeur d'air continuait comme ça. Oui, c'est avec plein de drôles de choses. À commencer par Jean-Jacques Perret, qui nous faisait sur Moog Indigo de 1970, 80th Century Puppet. Plutôt un truc assez rigolo. Il a fait des trucs plus sérieux, mais ça, on sent des gens s'amusaient avec les sons du synthétiseur. Il a été un des premiers dans la musique électronique, ou c'est un pionnier de la musique électronique, en France d'abord, puis aux États-Unis dans les années 60. Puis il avait quitté la médecine finalement pour se consacrer à ça, puis finalement il a ça lui a donné quand même quelque chose de chouette. Il est décédé en 2016 à 87 ans à Lausanne. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ses affaires? Influence. Oui, il a influencé beaucoup de monde. C'est ça. Puis il a fait des trucs comme Mr. On the O-Line, The Amazing New Electronic Pop Sound of Jean-Jacques Perret. C'est à l'époque où on s'amusait dès qu'il y avait des sons nouveaux, un peu comme Esquivel, par exemple, avec des sons de synthétiseur, c'était absolument fascinant. Et ensuite, ça c'est devenu plus de la musique électronique expérimentale, un peu plus. Puis ensuite, ça s'est intégré à toutes sortes de musiques. Ah oui, puis il a même joué avec Charles Trenet aussi. Il a utilisé beaucoup le Moog, The Happy Moog, c'est ça, Moog Indigo, Moog Sensation, Moog Expressions, et ensuite Moog Generation. Eh oui, Jean-Jacques Perret. Ensuite, Mike Melvoin nous faisait Lady Jane. Oui, ça c'est ce qu'on a mis de plus Muzak. Aujourd'hui quand même sur The Plastic Cow Goes Moog de 1969. À l'époque, c'est ça vraiment, on voyait au début d'utilisation du Moog, beaucoup de gens le voyaient vraiment comme quelque chose d'extrêmement amusant, même pour les gens qui sont devenus ensuite et qui étaient des compositeurs sérieux et qui sont redevenus sérieux par la suite. Ils se sont beaucoup amusés avec ça. Lui, c'est drôle parce que son fils était claviériste des Smashing Pumpkins, puis ses deux filles, Wendy et Susanna, il y en a une qui était guitariste pour The Revolution, puis l'autre était avec Prince, possiblement, quelque part. Il a fait toutes sortes de collaborations, quelques disques, et une autre carrière assez bien remplie. Martin Denis nous faisait Midnight Cowboy sur Exotic Moog de 1969. Est-ce qu'on retrouve... Ah, c'est drôle, j'avais oublié de chercher sur lui. Ça, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai oublié ça? Midnight Cowboy, qui est une musique que tout le monde qui a écouté un petit peu de ciné-club à Radio-Canada a nécessairement entendu. Marjane Denis, qui est né à New York, qui est mort à Honolulu, puis un des créateurs du genre Exotica avec Les Baxter. Donc, il faisait un métissage de jazz et de musique polynésienne diverse. Qu'est-ce qu'il racontait, lui? C'est ça, de la culture tiki, des chansons populaires, des arrangements de toutes sortes. Puis il a fait 38 albums studio quand même, ce qui est pas si mal pour une carrière qui s'est étendue ça c'est dur à dire, il est en 1911 puis mort en 2005, c'est à 93 ans, c'est quand même de la longue carrière. Richard Heyman faisait The Look of Love sur Genuine Electric Latin Love Machine de 1969. Ça c'est du beau titre quand même. On peut dire que c'est on s'est forcé pour le titre. Lui est né en 1920, mort en 2014, puis il a fait de la pop. la propriété avec le Boston Pop Orchestra, le Detroit Symphony Orchestra, le St. Louis Symphony, le Grand Rapids Symphony au Michigan. Puis lui aussi, il s'est promené, il a fait plein de trucs pour Metro. Il a été arrangeur pour Metro Goldwyn Mayer. Ça veut dire que c'était le genre d'emploi où on travaillait presque nécessairement chaque jour. The Mind Expanders nous faisait Love Syndrome sur What's Happening de 1967. Difficile de trouver quelque chose, ça date de 67. Voilà. Jean-Pierre Desserre, Black Safari sur l'album Out of My Way. Lui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, mais qui est dans le style space disco aussi. Puis il y a beaucoup de ces trucs qui ont été samplés puis repris par d'autres groupes pour en faire d'autres choses, dont Wu-Tang Clan. Qui a repris Look on the Soft Side sur Wu-Tang Forever. Ensuite, Bruce Hack, oui, notre Albertain, qui nous faisait une pièce sur Electric Lucifer Book 2 de 1969 qui s'appelle Gastronomic Plantification. De 79, oui, c'est ça. Puis lui, il a fait toutes sortes de choses. En fait, il a joué autant dans des powwows. Parce qu'il était invité par Aboriginal. Je cherche le nom, c'est ça. Il était Aboriginal Peoples in Canada pour les powwows. Puis là, il en a profité pour expérimenter le peyote aussi, ce qui a amené une influence différente dans sa musique. Mais il a fait plein de trucs, autant de la pub que des musiques de théâtre, de films, des musiques de ballet. Il s'est amusé dans toutes les sphères de la musique. Et un autre qu'on met régulièrement, Mort Garson, nous faisait Never Follow the Yellow Green Road sur The Warzard of Iz. Mort Garson, qui lui est né à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, et qui a étudié comme Bruce Hack à la Juilliard School, puis qui a été extrêmement actif pour beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça dont je vous conseille d'aller voir ce qu'il a fait. Il y a des gens qui avaient des carrières extrêmement bien remplies à une certaine époque. Et il nous reste un petit bloc avec The Android Sisters, The Artist Formerly Known as DJ Pepper. Nous verrons bien. Thank you. الدين لاتفاق في حول القضاء الوطني وطالب الحركات بأن تذهب للإضمان إلى مدينة الحوار والبناء ولحد يحفظ الربيع والتفاصيل قال إبراهيم ودفع البوليست في مولي ونرس بوليست مؤتمر الوطني لشؤون الحزب خلال مخاطبته مؤتمر طلاب المؤتمر الوطني من أحد المؤتمرات الوظيفية للحزب يمثل أنموذجا لكيفية ممارسة الديمقراطية ويضع الأحزاب الأخرى أمام تحدي حقيقي في طريقة إدارة الديمقراطية داخل أجهزة الحزبية Thank you. The notion of being a performer in any sense didn't occur to me until I was 16, I think, except I did a little singing at the youth club once. Yeah. ben c'est tout pour nous, pratiquement. Pratiquement comme ça, pendant que je joue ce magnifique fond sonore, qui nous rappelle un des blocs. Alors, Benoît Arcand est là, tout prêt à vous faire terrain vague. Qu'est-ce qui a joué dans le dernier bloc? Alors, Ray D. Hall, c'était The Android Sisters sur The Best of The Android Sisters de 2004. Là, on tombe dans le Philip K. Dick. En fait, c'est une série radiophonique qui mettait en scène aussi les Android Sisters, qui étaient comme la partie musicale du spectacle, alors qui n'existe pas vraiment, les Android Sisters, qui étaient Funny Play on the Andrew Sisters, Monsieur Andrew Sisters lui-même. Ça, puis finalement, ça a fini par être édité à part et tout ça, parce que ça faisait au départ partie de la série radiophonique. Sans titre, c'est une pièce de sans titre de l'album sans titre de The Artist Formerly Known as DJ Pepper, qui est un artiste de la grande région 03, sans doute contemporain. Ça, c'est du 2016, mais on sait qu'il continue encore à produire. Et quand vous serez plus vieux, j'aurai fait des recherches pour savoir quel est son nom exact. Parce que je sais comment sa mère l'appelle, mais quel est son nom exact. Kraftwerk nous faisait Radio Land sur Radio Activitat de 1975. Parler de Kraftwerk maintenant, ben on sait plus si ça vaut la peine. Tout le monde devrait connaître Kraftwerk depuis 1970. J'aime beaucoup Kraftwerk. J'aime entendre écouter des vieux trucs. Ils viennent de Düsseldorf en Allemagne au départ, où il y a de la bière. Oui, je peux vous dire ça. Il me semble que c'est l'Alt à Düsseldorf, style de bière qu'on retrouve pas tant ici, mais qui est assez bon. Ça, puis c'est vraiment des icônes de la krautrock. Maintenant, il y a Ralf Hüttler, Fritz Hilper, Henning Schmitz et Falk Griffenhagen qui sont dans le groupe. Puis dans les anciens, on retrouve Michael Rotter et Klaus Dinger et d'autres personnes, dont Florian Schneider Esleben. Et on en a écouté beaucoup. Moi, j'avais, quand il y a Computer World est sorti, j'ai vraiment été marqué par ça et j'ai beaucoup aimé ça. Savant nous faisait de radio sur Artificial Dance. Savant, c'est un musicien norvégien qui s'appelle Alexander Winter. Puis qu'on a mis quand même quelques fois, puis ça faisait, il me semble, un petit bout de temps qu'on en avait mis du Savan, puis qui vient d'Oslo, comme par hasard, et Oslo se trouve en Norvège depuis un petit bout de temps. Lala Radio nous faisait était faite par Shugo Tokumaru qui sur l'album Exit de 2007, lui qui est né en 1980. Qui est un multi-instrumentiste, puis qui a commencé aux États-Unis avec un album qui s'appelait Night Peace. Puis il fait partie d'un groupe qui s'appelle Gellers aussi. Puis il est arrivé plus avec un succès commercial en 2010 avec Port Entropy. Et nous avons terminé avec Bangwater, qui faisait Great Radio sur The Power of Pussy de 1991. Et je suis toujours surpris de me rendre compte que c'est si vieux que ça, Bangwater. En fait, c'était de 85 à 92 avec Anne Magnusson et Mark Kramer au départ, David Litch et Dave Rick aussi, puis il y avait des invités comme Fred Fried, Peter Stamfeld puis Fred Schneider, alors toutes sortes de monde qui ont tourné autour de ça, puis il y a beaucoup de bonnes choses chez Bangwater, puis on en met pas si régulièrement que ça, puis comme je dis, j'étais surpris, je me souvenais pas que c'était si vieux. Ben, moi aussi, je suis si vieux. Et lorsqu'on est si vieux, qu'est-ce qu'on dit? On dit à la semaine prochaine.